L'affliction n'est pas passagère. Durant ma descente aux enfers, mon ange gardien ne fera pas un geste. C'est vers les braises que le vice mène l'homme. Si mon art est né hardcore, c'est que le globe n'est pas peace and love. Mon insolence revient faire des siennes. J'suis dépité, ça se ressent à travers mes 16. Vu ce que l'on vit, non j'vais pas marrer. Sortez les tipecs, j'suis mal barré. Aucune épreuve n'est inaffrontable. Du mal à masquer le ressentiment qui m'accompagne. Il est rare que l'on se serre les coudes. Je ne manque pas d'air en attendant de rendre mon dernier souffle. Puisque mon histoire n'aura pas d'happy end. On survit, c'est le poids des morts qu'on subit. Demande à Manitez, je me prends pour Jonah Hex. J'entends des types flingués, je suis cet indé à la plume solennelle. Avec mes congénères, peu de chance qu'on se raccommode. Je crains pour l'avenir tel Sarah Connor. J'aime pas les mesures vides de sang. Si je fais la gueule, j'ai mes raisons, écoute mes sons, l'horizon pisse le sang. L'affliction n'est pas passagère. Durant ma descente aux enfers, mon ange gardien ne fera pas un geste. C'est vers les braises que le vice mène l'homme. Si mon art est né hardcore, c'est que le globe n'est pas peace and love. Une chose est sûre, la route sera longue. Face au droit chemin, ma trajectoire sera déviée. Mes vieux démons sont sur mes talons. Je tenterai l'entrée du paradis sur la pointe des pieds. Ce que l'on nous sert me paraît infect. Probable que je mette le feu au poudre vu que je suis venu faire des étincelles. Cette existence se révèle décevante. En gros, c'est foncer tête baissée pour au final partir les pieds devant. La rage me fait, je rentre dedans. On reconnaîtra mon empreinte, j'attaque la prod sans prendre de gants. Je réclame pas trop, je suis qu'un mec simple. Appelle-moi Charlton Heston, le rap ne me paye qu'en honnête singe. Prêt à faire face à la colère divine. Tant hypocrite, même les sourds ont les oreilles qui sifflent. Satisfait quand l'auditeur kiffe. J'ai plus d'une corde à mon arc comme Oliver Queen. Je suis loin d'avoir la science infuse. Je n'irai pas faire la promesse que tout se réglera sans insulte. Griffonner ma feuille, voilà ce qui me valait. L'amour n'est plus et j'attends le coup de foot comme à Hill Valley. L'affliction n'est pas passagère. Durant ma descente aux enfers, mon ange gardien ne fera pas un geste. C'est vers les braises que le vice mène l'homme. Si mon art est né hardcore, c'est que le globe n'est pas peace and love. Une chose est sûre, la route sera longue. Face au droit chemin, ma trajectoire sera déviée. Mes vieux démons sont sur mes talons. Je tenterai l'entrée du paradis sur la pointe des pieds. Faudra beaucoup d'indulgence de la part de Dieu pour pardonner aux hommes d'avoir inventé l'enfer. Et si je te dis ça, c'est parce que le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de pardon. Non, il n'y aura plus de pardon.